voiture. Claquette, casquette, survette, elle aime quand je fais la teinture. Embrouille, ça chauffe, pas win, ça va se finir à coup de ceinture. À la dure, pas de cure, j't'assure. J'ai grandi, j'suis mature. J'dis ce que j'pense, j'suis nature. J'te crois même plus, même quand tu me jures. Tu veux tester, moi le barré. J'pense que tu vas te prendre un mur. J'me sens si seul, j'les sens bizarre. Il est 6h du mat, j'suis sous caprice. Robson, que tu retournes ton blouson. Ils parlent de moi où ils sont. Ils peuvent venir à 800. Sur du Hazy, ARS au drive. Les képis, je les avais pas vus. Mes guetteurs à l'affût. Tout le monde a pris la fuite. Ça gère le four comme personne. Pendant que le boss pète des matus. Et m'as-tu vu? J'fais des albums en chouchou. Que ça, tu te laisses aller. Poto, tu dors jusqu'à tu pues. La belle, le shit, la coque. La plaque, le kill, la tonne. La peuf, la heart, la bombe. Le liquide, le clic, c'est la tonne. La belle, le shit, la coque. La plaque, le kill, la tonne. La peuf, la heart, la bombe. Le liquide, le clic, c'est la tonne. J'ai plus d'émotion, j'suis comme les mossos. Calibrer mon sauce. J'mets dans la sauce. Que des vrais bastos. Le sang, moi j'aime pas les mensonges, donc j'préfère écouter mon son. Le sang, moi j'aime pas les mensonges, donc j'préfère écouter mon son. Audi, Merco, BM, on a toutes les voitures. Lunettes, casquettes, survêtes, elle aime pas quand j'fais la teinture. Embrouille, ça chauffe pour pas win quand on a fini la matu. Calibré dans la ture, j'suis encore immature. Cœur frappeur, amateur, rappeur, on est large, on s'étend. J'suis posé, posé en détente, avec le Gilles numéro 1 des ventes. On ne joue pas, c'est nos vies qui en dépendent. Blanc de blanc, y'a des brunes, y'a des blondes. La guitare, la calache, la pétanque. De Marseille à Montpellier, ça descend. Robson, que tu retournes ton blouson. Ils parlent de moi où ils sont. Ils peuvent venir à 800. Sur du Hazy, ARS au drive. Les képis, je les avais pas vus. Mes guetteurs à l'affût. Tout le monde a pris la fuite. Ça gère le four comme personne. Pendant que le boss pète des matus. Et m'as-tu vu? J'fais des albums en chouchou. Que ça, tu te laisses aller. Poto, tu dors jusqu'à tu pues. La belle, le shit, la coque. La plaque, le kill, la tonne. La peuf, la heart, la bombe. Le liquide, le clic, c'est la tonne. La belle, le shit, la coque. La plaque, le kill, la tonne. La peuf, la heart, la bombe. Le liquide, le clic, c'est la tonne. J'ai plus d'émotion, j'suis comme les mossos. Calibrer mon sauce. J'mets dans la sauce. Que des vrais bastos. Le sang, moi j'aime pas les mensonges, donc j'préfère écouter mon son. Le sang, moi j'aime pas les mensonges, donc j'préfère écouter mon son.